إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant la troisième partie dans l'explication du livre du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad qui s'intitule Manhaj Cheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi ta'lif, la méthodologie du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans ses écrits. Donc on a expliqué plusieurs points jusqu'à maintenant dans les livres Aqida du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. On passe maintenant à son manhaj dans les livres qu'il a écrits sur le tafsir du Coran, l'explication des versets du Coran. Le Cheikh il dit manhajuhu fi tafsir al-Quran al-Karim. Donc le Cheikh il dit ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب تفسير كامل للقرآن الكريم وإنما وجد له تفسير لبعض سور القرآن منها ما يكون تفسيرا لسورة كلها مثل سورة الفاتحة وسورة الجن والفلق والناس أو تفسيرا لبعض الآيات من السور وهي إما كثيرة مثل سورة يوسف وإما قليلة لا تتجاوز آية أو ثلاث آيات مثل سورة يونس وسورة المؤمنون. Donc le Cheikh il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il n'a pas un tafsir complet, il n'a pas écrit l'interprétation ou l'explication complète du Coran al-Karim. Mais on a trouvé quand même de sa part l'explication de certains versets du Coran, de certaines sourates dans le Coran. Donc le Cheikh il dit parmi ces tafsirs là il y en a que c'est le tafsir d'une sourate au complet, comme sourate al-Fatiha, comme sourate al-Jinn, comme sourate al-Falaq, comme sourate al-Nas, ou bien dans certains cas, il a fait le tafsir de certains versets dans une sourate, il a fait l'interprétation de certains versets. Et soit que c'est plusieurs versets, comme par exemple certains versets de sourate Younes, ou bien des fois c'est quelques versets seulement, très peu de versets, un verset ou trois, comme par exemple dans l'exemple du tafsir de Surat Yunus et de Surat Al-Mu'minun. Il dit ensuite وَمَنْهَجُهُ فِي الْغَالِبِ مَبْنِيٌ عَلَى الْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ الْآيَةِ أَوْ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْمَسَائِلِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مُتَسَلْسِلَةٍ مثل أول آية فسرها من سورة البقرة وهي قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فقد استنبط منها 51 مسألة وهو دال على قوة فهم الشيخ ودقة استنباطه وعنايته بالفقه في الدين فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc le Cheikh explique que sa méthodologie, la méthodologie du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en général, elle est basée sur le fait d'extraire des différents versets ou de plusieurs ou d'un seul verset différentes questions, différents points. et de les énumérer comme une série de points et de bienfaits, de points bénéfiques qui sont à comprendre de différents versets. Comme par exemple, le premier verset qu'il a expliqué, qu'il a tiré de Sourate Al-Baqarah, c'est le verset au sujet de Sulayman alayhi salam et des shayatin, ok, et qui explique le verdict de la sorcellerie, de la magie dans l'islam. Donc c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, et ils ont suivi ce que les diables ont récité ou ont dit au sujet de Sulayman et de son royaume. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, seulement dans ce verset-là, il a extrait 51 questions ou 51 points bénéfiques à comprendre ou à extraire dans la compréhension de ce verset-là seulement. Donc, subhanallah, le cheikh il dit, ça c'est quelque chose qui prouve la force dans la compréhension du cheikh et sa subtilité à extraire les verdicts et les compréhensions qui sont présents dans les versets. Et ça montre également l'attention et à quel point il donnait de l'importance à se préoccuper de la compréhension de la religion, pas seulement des choses de façon superficielle, mais vraiment de rentrer dans le cœur des choses, dans le détail des choses, pour vraiment bien comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne, il dit, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, il dit, et il a été rapporté de façon authentique dans les deux livres authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari Muslim, selon Muawiyah radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Donc ça c'est un point qui montre que le cheikh, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a voulu du bien, puisqu'il avait la compréhension de la religion. ومن الآيات ما يذكر المسائل المستنبطة منها بغير سرد بل يقول فيها كذا وفيها كذا كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والآيات الثلاث التي بعدها وأحيانا يأتي بتفسير الكلمات والجمل من السورة كما في سورة الجن وأحيانا يأتي بتفسير قصة من قصص الأنبياء في سورة ثم يأتي بالكلام على القصة في صور أخرى كما فعل في أول سورة في أول تفسير أو في أول تفسير سورة القصص فإنه تكلم على قصة موسى وهارون في هذه السورة ثم ذكر بعدها الكلام على قصتهما في سور القرآن الأخرى. Donc le cheikh explique que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne dans le tafsir de certains versets que qu'est-ce qu'il fait, c'est que il mentionne les différentes questions qui sont à comprendre de ces versets-là sans toutefois les énumérer. Comme par exemple, il ne va pas les énumérer, il va seulement dire dans telle surah il y a telle chose et telle chose. Hein? Et il dit comme qu'est-ce qu'il a fait dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit il n'appartient pas à celui à qui Allah, à un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le livre, la sagesse, le livre, la sagesse et la prophétie. Et les trois versets qui suivent ce verset-là. Donc, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec l'explication de certains mots ou de certaines phrases dans la sourate. Comme par exemple, qu'est-ce qu'il a fait au sujet de sourate al-Jinn? Et parfois, il vient avec, par exemple, l'explication d'une histoire parmi les histoires des prophètes dans une sourate en particulier. Puis ensuite, il ramène dans d'autres sourates l'explication de cette histoire-là. Comme ce qu'il a fait par exemple au début du tafsir de la sourate Al-Qasas. Il a mentionné donc l'histoire de Moussa et de Haroun dans cette sourate, Puis il en a parlé, et il a parlé de leur histoire dans d'autres sourates du Coran aussi. C'est-à-dire, il ramène qu'est-ce qui a été dit à leur sujet dans d'autres sourates dans le Coran. وهذا مثل مثال من أمثلة تفسير الشيخ واستنباطه المسائل من الآيات. قال رحمه الله في تفسير الآيات الثلاث من سورة المؤمنون قوله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الآيتين فيه مسائل. الأولى أن الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم فيدل على أنه من عظيم الأمور. Donc le cheikh il explique que parmi les exemples qui montrent la façon dont le cheikh faisait le tafsir et comment il pouvait extraire les questions et les points bénéfiques de ces différents versets là, il y a l'exemple de trois versets qu'il a expliqué de Sourate Al-Mu'minun, les croyants. Et il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, dans deux versets, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit, ô vous les messagers, mangez de toutes les bonnes choses et faites de bonnes œuvres. Et il a expliqué par la suite que dans ces deux versets-là, il y avait des choses, des points bénéfiques à comprendre et à extraire. Le premier point, il mentionne comme premier point que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous ses messagers cette chose, c'est-à-dire de manger de toutes les bonnes nourritures et de toutes les bonnes choses et de faire des bonnes œuvres. Et le cheikh dit que Allah leur a ordonné ça malgré les différentes époques dans lesquelles ils ont vécu et les différentes régions dans lesquelles ils ont vécu également. Et ça, c'est la preuve que c'est une chose très importante et très grande. Deuxièmement, الثانيه ان الرسل اذا امروا بذلك فغيرهم اولى بالحاجه الى ذلك فافاد ان هذا يحتاج اليه اعلم الناس حاجه شديده. Donc le cheikh il dit que les messagers, lorsque Allah leur ordonne ce genre de commandement, ça prouve que tout autre que les messagers ont encore plus besoin de cette chose-là qu'eux. Et donc ça prouve que les personnes les plus savantes en ont un très grand besoin, un besoin très important. الثالثة إذا فرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة نبيها واحد وكتابها واحد. Donc le cheikh il dit ensuite comme troisième point, si une telle chose a été ordonnée aux messagers malgré la différence d'époque dans laquelle ils étaient et de lieu également, alors que dire d'une nation qui est unique, dont le prophète est unique et dont le livre est unique. Ensuite, le cheikh il dit, comme quatrième point, أن الخطاب للرسل عاما أن الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله تعالى فتقطعوا أمرهم. نعم. Donc le cheikh il explique que la preuve, il y a une preuve dans les versets qui suivent par la suite, que le discours qui est adressé au messager par Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe également les nations auxquelles ces messagers-là étaient envoyés. La preuve de ça, c'est dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ » C'est-à-dire, ils se sont tous divisés entre eux par la suite. Al-Khamisa, Al-Amru bil-Akli min al-Tayyibat, ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون عنها وفيه رد على الجفاء الذين على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. Donc le cheikh explique que dans l'ordre d'Allah de manger de toutes les bonnes choses, il y a dans cet ordre-là une réfutation des deux groupes d'extrémistes. Le premier groupe, ceux qui exagèrent dans le fait de s'abstenir de ces bonnes choses-là, comme les soufis par exemple, qui s'abstiennent par exemple au nom de la piété, au nom du zuhd, de toutes les choses qui sont bonnes. Ça c'est quelque chose qui est contraire à la voie des prophètes. Puis l'autre extrême, c'est ceux qui dépassent la limite de ce que Allah a permis parmi les bonnes choses et qui vont même prendre des mauvaises choses qui ne se limitent pas à ce qui est bon. Donc ça c'est une réfutation de ce groupe-là aussi. Ensuite, le point numéro 6, le cheikh il dit السادسة الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات ففيه رد على ثلاث طوائف أولهم الأكلون الطيبات بلا شكر والشكر هو العمل المرضي ثانيهم من يعمل العمل غير الخالص مثل المرائي وقاصد الدنيا وثالثهم الذي يعمل مخلصا لكنه على غير الأمر. Donc le point numéro 6 c'est que le cheikh il mentionne que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de réformer nos œuvres et de faire des œuvres qui sont bonnes tout en ordonnant aussi de manger des bonnes choses. Il y a dans ça une réfutation des trois groupes. Les trois groupes suivants. Le premier groupe, ceux qui mangent des bonnes choses que Allah a créées et qu'il leur a données, mais sans être reconnaissants. Donc ce groupe-là, c'est le groupe qui mange de ce que Allah a créé de bonnes choses, mais qui ne sont pas reconnaissants. Mais la reconnaissance, c'est une action que Allah agrée et que Allah aime. Donc ils doivent être reconnaissants. Deuxième groupe, ceux qui font des actions, toutefois, qui font des actions sans être sincères, sans que ces actions-là soient pures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la personne qui fait des actes par ostentation, pour se faire voir des autres et se faire glorifier, ou bien dans le but d'obtenir des choses de la dunya. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui font les bonnes œuvres avec sincérité, mais qui les font de façon contraire à l'ordre, qui les font de façon contraire à ce que Allah a ordonné de faire. Donc dans ce cas-là, ça c'est aussi un exemple de qu'est-ce qui est pas correct. Donc ce verset de manger des bonnes choses et de faire des bonnes œuvres vient réfuter ces trois groupes-là. La septième question, le septième point, المسألة السابعة المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلها وهي فرض الاجتماع في المذهب وتحريم الافتراق فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة فكيف بأمة واحدة ونبيها واحد وكتابها ودينها واحد. Donc le septième point, c'est une grande question, ok, et c'est pour cette raison là que toute cette parole a été mentionnée. C'est ce qui vient par la suite dans le verset. فتقطعوا بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فارحون. Donc ils se sont divisés par la suite en différents groupes, chacun ayant des livres et chacun se réjouissant de ce qu'il possède. Donc ça c'est le blâme de la division. Donc il y a dans ça une question très importante, c'est l'ordre de rester unis, de rester unis dans la voie et l'interdiction de la division. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ça aux messagers et aux prophètes, malgré la différence d'époque dans laquelle ils vivaient, et malgré les différentes régions dans lesquelles ils ont vécu, alors que dire d'une nation qui est unique, et dont le prophète est unique, et dont le livre et la religion est unique. Le point numéro 7, le Cheikh il dit, « Zakarahu subhanahu, ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعدما عرفوا الوصية العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق أنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية المضادة وهو أنهم تركوا الاجتماع وتفرقوا ثم بعد ذلك كل فرقة صنفت لها كتبا غير كتب الآخرين ثم كل فرقة فرحت بما تركت من الهدى وفرحت بما ابتدعته من الضلال كما قال الشاعر حلفت لنا أن لا تخون عهودنا وكأنها حلفت لنا ألا تفي. انتهى كلامه رحمه الله. Donc qu'est-ce qu'il dit comme huitième point? C'est justement ce que j'ai la suite de ce que j'ai mentionné et de ce qu'il a mentionné, justement la suite de ce que j'ai traduit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné l'ordre de s'unir et ainsi de suite, il mentionne juste après la suite, qu'est-ce qui est arrivé par la suite après avoir connu le conseil que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait après que Allah leur a ordonné de se réunir et de ne pas se diviser, et de ne pas se, il leur a interdit de se diviser, et qu'ils se sont tous divisés les uns les autres par la suite entre eux avec des livres qu'ils ont composés, et que chaque partie d'entre eux se réjouissait de ce qu'ils possédaient. Donc, ils ont opposé le conseil et les ordres que Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonnés. Après avoir entendu ces enseignements-là, ils les ont opposés d'une opposition totale. Ils ont fait le contraire de ce que Allah leur avait ordonné. Et ils ont abandonné l'union et ils se sont divisés. Et après, chacune de ces sectes ou de ces différents groupes qui sont apparus se sont écrits des livres différents de ce que les autres ont écrit, et chacun de ces groupes-là se sont réjouis de ce qu'ils avaient abandonné de la guidance, et ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient innové comme égarement. Comme dit le poète, ils nous ont juré qu'ils n'allaient pas tromper ou trahir leurs ententes, et c'est comme s'ils avaient juré qu'ils n'allaient pas les respecter. C'est un proverbe, comme une parole d'un poète, qui justement montre un peu l'attitude de ces gens-là, comme si on dirait qu'ils avaient juré qu'ils n'allaient pas respecter leurs paroles. Et comme si Allah leur a ordonné d'obéir, et eux c'est comme si ils ont fait l'opposé total de ce que Allah leur a ordonné. Et parfois c'est ce qu'on remarque, juste une petite note en passant à ce sujet là c'est exactement ce qu'on remarque parfois dans certains pays musulmans. On a l'impression que certains ont pris le Coran puis ont décidé de faire le contraire de ce qui était écrit dedans. Et ils ont pris la sunna et ils ont décidé de faire exactement le contraire de ce qui est écrit dedans. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas construire rien sur les tombes. Eux, ils ont pris ces versets et ces hadiths et ils ont dit on va construire sur les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça et eux, ils ont fait le contraire. Comme si, qu'est-ce qui était écrit dans les versets et dans le hadith, c'était de faire ce que Allah avait interdit. Comme si c'était le contraire qui était écrit. Donc ça, c'est des choses qu'on, qu'on voit et qui sont vraiment étonnantes. Parfois, Allah nous parle. Donc ça c'est la fin de la parole du Cheikh ici, Mohamed ibn Abdul Wahhab. Donc le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il continue par la suite dans l'explication. Donc il parle du commentaire que le Cheikh a fait avec le vers de poésie qu'il a mentionné à la fin, et il cite l'exemple d'un autre poète. Il dit: وهذا البيت جرى مجرى المثل ومثله قول الشاعر مواعيد عرقوب كانت لها مثلا وما مواعيده إلا الأباطيل إلا الأباطيل. Donc il dit les promesses de Arqub, elles étaient devenues comme un exemple, mais ces promesses ne sont que des faussetés. وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ رحمه الله غالبا في التفسير وهو سرد المسائل المستنبطة من كل آية أو آيات هو المنهج الذي سلكه في كتاب التوحيد حيث يورد في آخر كل باب المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه كما مرت الإشارة إلى ذلك عند ذكر منهجه في ذلك الكتاب العظيم وقد طبع تفسير الشيخ رحمه الله لصور وآيات من القرآن الكريم ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله التي جمعت وطبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك في مجلد تبلغ صفحاته 89 و300 صفحة. Okay. Donc le Cheikh explique que cette méthodologie que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a suivie en général dans son tafsir, de façon générale, c'est de mentionner donc les différentes questions qui sont extraites de chaque verset ou de plusieurs versets. Et c'est la même méthodologie qu'il a employée dans son livre Kitab al-Tawhid, lorsqu'il mentionne, par exemple, à la fin de chaque chapitre, les différents points bénéfiques à tirer de ces différents versets et des différents hadiths ou des paroles des ulama ou des imams, des salafs. Et ça, on l'a expliqué déjà. On a parlé de son manhaj par rapport à ce livre. Maintenant, le cheikh il dit ensuite que le tafsir du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été publié. C'est-à-dire que le tafsir qu'il a fait de différents versets ou différentes sourates ont été réunis et ça a été publié dans un livre qui a été publié à l'université de l'imam Mohammed ibn Saoud à l'Islamiyah. Donc c'est eux qui se sont chargés de publier ce tafsir et il a atteint ça a fait un volume de environ 389 pages. Ensuite le cheikh il parle de la méthodologie du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans le hadith et dans les paroles des salafs. Donc il dit: منهجه في التأليف في التأليف في الحديث والأثر وقد كانت عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأحاديث والآثار عظيمة واهتمامه كبيرة فقد ألف فيه مؤلفات عديدة في موضوعات مختلفة فله مجموع في الحديث يشتمل على ما يقارب 4600 من الأحاديث والآثار يرد فيه الأحاديث والآثار معزوة إلى مصادرها وينقل غالبا كلام أهل العلم في الحكم عليها بدأه بكتاب الطهارة وأول حديث فيه حديث بعر بضاعة وهو يختلف في البدء عن المنتقى والمحرر والبلوغ فإنها جميعا بدأت بحديث ماء البحر وآخر المجموع الدعوة والبينات ثم الشهادات ثم الجامع ثم الطب. Donc le cheikh explique que sa méthodologie au sujet des hadiths, il y a des livres qu'il a écrits sur le hadith, il y a des asars, c'est qu'il avait, il donnait à ça une grande importance. Yani, il donnait au hadith une grande importance. Et il a écrit différents, ou de nombreux livres dans ce sujet-là, dans différents sujets par rapport au hadith. Il a un majmour, c'est-à-dire un livre, un recueil de hadith, qui contient un nombre de hadiths qui est proche de 4600 hadiths, qui réunit des hadiths et des paroles des salafs. Et il les cite, donc il cite ces hadiths et ces paroles des sahaba et des salafs en rapportant leur origine et en donnant leur référence. Puis, en général, il cite la parole des hommes de science par rapport au verdict de ces différents hadiths, c'est-à-dire le degré d'authenticité. Puis, il commence donc ce livre par le chapitre de la purification, la tahara. Le premier hadith qu'il cite dans ce livre, c'est le hadith du puits qu'on appelle Bouda'a, Bi'ru Bouda'a. Et donc, en cela, il diffère d'avec différents livres de hadith sur les règles du fiqh, justement, qui commencent par un hadith différent. C'est-à-dire, par exemple, Al-Muntaqa, et Al-Muharrar, et Al-Bulugh, Bulugh al-Maram, Muntaqa al-Akhbar, et Al-Muharrar fil-Hadith, ces trois livres qui parlent des hadiths des règles de la charia. C'est-à-dire qui sont des livres qui mentionnent les hadiths sur différents chapitres, parmi les chapitres, en commençant par la purification, après la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, et ainsi de suite. Donc ces livres-là qu'on a mentionnés, Al-Muntaqa, Al-Muharrar et Al-Bulugh, débute par le hadith qu'on appelle Ma'ul Bahar, ou Al-Tahur Ma'uhu Al-Hillu Maitatu. Tandis que ce hadith-là, ce livre-là, le livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lui, il commence par un autre hadith qui est le hadith du puits qu'on appelle Bouda'a. Il dit, et à la fin de ce recueil de hadith du Cheikh, il cite un chapitre qui s'appelle Ad-Da'awa wal-Bayyinat, et ensuite Al-Shahadat, puis ensuite Al-Jami' thumma At-Tibb. Donc il mentionne des chapitres qui se trouvent à la fin de ce recueil de hadith. Walahu kitab ahadith fil fitan wal hawadith yajtamilu ala 200 hadith. Donc il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a aussi un livre de hadith au sujet des c'est-à-dire des hadiths qui parlent des différentes fitanes, des tribulations et des innovations. Et ce livre de hadith comprend environ 200 hadiths. Walahu kitab Fadl al-Islam yajtamilu ala 12 baban فيها آيات وأحاديث وآثار بلغ عدد الأحاديث والآثار 48 معزوة إلى مصادرها وبعض الآثار لا يعزوها إلى مصدر وقد علق فيه رحمه الله على وقد علق رحمه الله فيه على حديث الثلاثة الذين أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره فمن رغب عن سنتي فليس مني بقوله الصفحة العاشرة فتأمل إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. Donc le cheikh il explique que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a un autre livre également qui s'intitule Fadlul Islam. Et ce livre-là, on l'a lu avec le charh du Cheikh Al-Fawzan. Hein? Donc, Yanni, vous le connaissez. Hein? Vous connaissez ce livre. Et il comprend 12 baben, c'est-à-dire il comprend 12 chapitres. Et il y a dans ce livre également des versets du Coran et des hadiths et des paroles. Donc il comprend 12 chapitres et dans ces chapitres-là on retrouve des versets, des hadiths et des paroles des sahaba et des salaf. Le nombre des hadiths et des paroles qui sont rapportées dedans atteignent le nombre de 48 qui sont amenés à leur référence, c'est-à-dire qu'on cite leur référence. Et certaines des paroles des salaf ne sont pas mentionnées avec leur référence. Toutefois, le cheikh il dit qu'il y a un hadith qui est rapporté au sujet des trois qui avaient voulu se limiter à l'adoration et abandonner la dunya. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin de ce hadith à leur sujet? Il leur a dit: quiconque désire autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Hein? Celui qui disait par exemple: je ne veux pas manger de viande. L'autre qui a dit: moi je ne veux pas dormir la nuit. L'autre qui a dit: moi je ne veux plus épouser de femme. Hein? Et l'autre qui a dit: moi je veux jeûner tout le temps. Hein? C'est selon différentes narrations. Donc, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole à leur sujet. Alors, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, à la fin après avoir cité ce hadith, il a fait un commentaire. À la page 10, il dit: alors, médite sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les sahaba qui ont voulu s'abandonner uniquement à l'adoration, ont reçu comme critique du prophète sallallahu alayhi wa sallam ces paroles sévères, et on a appelé ce qu'ils ont voulu faire comme une préférence c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet que, ou bien a dit au sujet de ce qu'ils faisaient que c'était comme s'ils préféraient autre que sa sunna. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à propos de ce qu'ils faisaient, alors que pensez-vous ou que penses-tu qu'il dirait au sujet d'autres choses parmi les exemples de bid'ah qui sont apparus par la suite? Il dirait des paroles encore plus sévères encore. Et que penses-tu qu'il dirait, puisque c'était des sahaba, alors que penses-tu qu'il dirait au sujet d'autres que les sahaba? Hein? Donc ça c'est pour montrer la gravité de ce qu'ils ont fait et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a critiqués, et pour nous faire comprendre que ce qui se passe par la suite de la part des innovations qui sont apparues après, c'est beaucoup plus grave encore. Et donc que nous on devrait aussi considérer ces choses-là comme étant très très très graves. Walahu kitabul usulul iman yashtamilu ala 12 baban wa 42 wa 100 hadith. C'est-à-dire qu'il a un autre livre qui s'intitule Kitab al-Iman, le livre de la foi, ou Kitab Usul al-Iman, c'est-à-dire le livre des fondements de la foi. Ce livre-là comprend 12 chapitres également. Et il comprend 142 hadiths. Et ça, c'est un livre, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous permette de pouvoir l'enseigner, Inch'Allah, et le lire avec vous, avec le charh du Cheikh Saleh Al-Fawzan. J'ai eu l'occasion de l'acheter dernièrement. Donc, alhamdoulilah, on pourra, lorsque ce sera possible, commencer à l'étudier ensemble, inshallah. Puis, il y a un autre livre aussi qui s'intitule Kitab al-Kaba'ir. Le Cheikh dit walahu Kitab al-Kaba'ir. يشتمل على 25 ومئة باب وثمانية وخمسين ومئتي حديث وأثر وهو كله آيات وأحاديث وأثر. الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى un livre qui s'intitule Le livre des grands péchés. Et ce livre-là comprend 125 chapitres. Et il comprend également 258 hadiths et citations ou paroles des salafs. Et tout le livre contient que des versets et des hadiths et des paroles des salafs. Donc c'est un très très grand livre, un livre très important et très intéressant. Et j'ai lu le livre, certains chapitres qui sont dedans, et Allahu a'lam, mais je considère que c'est un des meilleurs livres qui a été écrit sur les kaba'ir. Puis il y a un autre livre en passant qui a été écrit, attribué à l'imam al-Zahabi. Et d'après ce que j'ai entendu, que cette attribution à l'imam al-Zahabi de ce livre, elle n'est pas authentique. Parce que j'ai lu, c'est que cette attribution de ce livre à l'imam al-Zahabi, elle n'est pas authentique. Donc ce livre-là, ce n'est pas le livre de l'imam al-Zahabi. Et il y a une édition de ce livre qui a été traduite en français, dans lequel il y a un commentaire de Cheikh Salih, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Et ce charh, en fait, ce n'est pas un charh du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. En réalité, c'est quelqu'un qui a pris l'explication de différents hadiths dans différents livres de Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, puis il les a mis aux différents endroits qui correspondent donc au livre de l'imam al-Zahabi lorsqu'il mentionne les différents péchés. Puis il a fait de ça comme un commentaire, comme si c'était écrit par le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, sauf que ce n'est pas le cas. Et dans le livre en question, il n'y a aucune mention du fait que ce n'était pas le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin qui l'avait écrit. Donc ça, c'est ce que j'ai lu à ce sujet-là. Il faudrait donc vérifier l'affaire pour s'assurer de l'authenticité de ce livre-là et justement vérifier que ce que j'ai lu à ce sujet-là est correct ou non. Mais d'après ce que j'ai lu, c'est une chose qui a été attribuée donc au Cheikh Ibn Uthaymin, mais ce n'est pas le Cheikh Ibn Uthaymin qui l'a écrit. Donc ça c'est à ce sujet-là. Ensuite le Cheikh dit « وَلَهُ كِتَابُ فَضْلُ الْقُرْآنِ تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَيَشْتَمِلُ عَلَى آيَاتٍ وَأَحَادِيثٍ وَآثَارٍ وبلغ عدد الأحاديث والآثار 58. Et le Cheikh il dit donc qu'il a un autre livre aussi qui s'intitule Les mérites du Coran, de l'enseigner, de l'apprendre et de l'enseigner. Et ce livre comprend des versets et des hadiths et des paroles aussi des salafs. Et il y a environ dedans 58 حديث وآثار. ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف الصالح من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشارها وبقائها وعموم نفعها. وهكذا ينبغي أن تكون عناية الدعوة عناية الدعاة إلى الله بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، لأن استدلالهم لما يقولون بالآيات ولا حديث ولا ثار من أعظم أسباب قبول الناس منهم والإصغاء إليهم والاستفادة من دعوتهم. Le Cheikh, il dit, il n'y a pas de doute que le fait de donner de l'importance et de se préoccuper des hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam et des paroles des salaf al-salih font partie des plus grandes causes du succès de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et de sa propagation et du fait qu'elle demeure et qu'elle est restée et de son bienfait qui est général. Et c'est ainsi que toute personne qui invite à Allah par le Coran et par la Sunnah et par la parole des salaf al-salih, c'est comme ça qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il doit donner, cette importance-là aux choses, hein, aux livres et aux preuves et aux références. Et ils doivent également retourner aux preuves et ramener les choses aux preuves des versets et des hadiths et des paroles des salaf. Et celui parmi les du'ats qui se charge de faire ça et qui prend ces causes-là, eh bien, ça c'est une des choses qui va faire en sorte que les gens vont accepter de lui sa da'wa et vont écouter et prendre de lui et profiter de sa da'wa. Donc ça c'est ce qui a été dit donc au sujet des hadiths et de la méthodologie du cheikh à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il mentionne le manhaj du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans les livres qu'il a écrits au sujet du fiqh. Donc le cheikh il dit: جرت عادة كثير من العلماء في مختلف العصور أنهم يدرسون الفقه على مذهب من المذاهب أو من مذاهب أهل السنة مع العناية بمعرفة الدليل، ثم لا يزالون يترقون في العلم حتى يتمكنوا من معرفة الراجح والمرجوح والأخذ بما دل عليه الدليل، وإن كان القول الراجح في غير المذهب هو الذي درسوه. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن عبد البر من المالكية والذهبي وابن كثير من الشافعية وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة. وعلى هذا المنوال كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد نشأ على دراسة المذهب الحنبلي، ولكنه يأخذ بالقول الذي دل الدليل عليه ولو كان في غير المذهب الحنبلي كما هو شأن العلماء المحققين. Donc le cheikh, il explique premièrement que l'habitude de plusieurs d'entre les ulama à travers les siècles, c'est qu'ils étudient le fiqh selon un madhhab, hein, une école ou une voie, une école, une position parmi les différentes écoles des gens de Ahl Sunnah, comme le madhhab Maliki ou Hanafi ou Maliki ou Shafi'i ou Hanbali, hein, les quatre madhhab parmi les madhhab de Ahl Sunnah. Donc ça c'est l'habitude des ulama. Ils étudient le fiqh selon un mazhab, parmi les mazahib, tout en donnant une importance également à la connaissance de la preuve des différentes positions qui sont mentionnées dans ces différents mazahib. Puis une fois qu'ils ont appris ces bases-là dans les différents mazahib et qu'ils ont étudié ces choses-là, ils évoluent dans la science jusqu'à ce qu'ils soient capables de connaître les positions correctes parmi les différentes questions qui sont enseignées dans ces différents livres, dans ces différents madahib, et de prendre la position qui est supportée par la preuve, hein, et de prendre la preuve qui est la plus forte ou la position qui est la plus forte parmi ces différents madahib qu'ils ont étudiés, qui peuvent parfois être différents. C'est-à-dire ils peuvent parfois sortir du madhhab qu'ils ont étudié et prendre une position autre parce qu'elle est supportée par une preuve plus forte que celle qu'ils ont étudiée dans leur madhhab. Et le cheikh dit que c'est pour cette raison-là que certains hommes de science qui ont été reconnus pour leur grande connaissance et leur grande science, ont été, disons, apparentés à un madhhab en particulier sur lequel ils ont grandi. On les a associés à un madhhab parce que lorsqu'ils ont commencé leurs études, ils ont commencé et ils ont étudié un madhhab en particulier, puis ils se sont préoccupés de la compréhension et de l'étude de ce madhhab-là au début. Hein? Comme par exemple l'imam Ibn Abd al-Barr, qui faisait partie des Malikiyya, ou l'imam al-Zahabi et l'imam Ibn Kathir, qui faisait partie des Shafi'iyya, ou l'imam Ibn Taymiyya, Ibn al-Qayyim, qui faisait partie des Hanabila, c'est-à-dire ceux qui suivent le madhhab de l'imam Ahmad Ibn Hanbal. Donc, ces hommes-là suivaient ou ont étudié ces différents madhhab au début de leurs études, puis lorsqu'ils ont avancé dans la science, sans toutefois suivre aveuglément ces différents mazahib, c'est-à-dire ils s'accrochaient fondamentalement aux preuves. Puis le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab fait partie de cette catégorie-là, d'entre les ulama. Hein? Il a grandi, il a étudié le mazhab qui est le mazhab al-Hanbali. Mais il prend la position qui est supportée par la preuve. Hein? S'il trouve qu'une preuve est plus forte dans un autre madhhab, autre que le madhhab Hanbali, il la prend. Et c'est comme ça que les ulama vérificateurs agissent. Ils prennent les choses par rapport à leurs preuves et non pas par rapport à l'imam qui a pris cette position-là. Le Cheikh dit « وَهَذِهِ هِيَ الطَّرِيقَةُ الْمُثْلَةُ لاشتمالها على توقير العلماء والاستفادة من علمهم والتوسط بين الجفاء والغلو فيهم. قال ابن القيم في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزن بها وخالف منها ما خالف النص ولم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصى به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به ولذلك سمي تقليدا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Donc le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad حفظه الله, il dit ici que cette méthodologie, donc, c'est la méthodologie exemplaire, la meilleure à suivre. Pourquoi ? Parce qu'elle comprend le meilleur. Le meilleur dans le sens que elle nous appelle à avoir du respect envers les hommes de science, envers les ulama, et elle nous appelle également à profiter de leur science et en même temps, donc, de profiter des preuves et de retourner aux bases. et de ne pas mettre les paroles des hommes au-dessus des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une voie intermédiaire entre les extrêmes, hein, entre le fait de délaisser les paroles des savants complètement ou d'exagérer dans le fait de les suivre aveuglément, même quand c'est en contradiction avec les textes. Donc on prend une position entre les deux extrêmes. Parce qu'il y en a des gens, et ça le Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans son livre, Al-Irshad. Il dit dans le livre, à un moment donné, quand il parle de ce sujet-là, il dit, il y a des gens qui ont exagéré dans le fait de dire, on prend pas des ulama, on prend directement du Coran et de la Sunna. Et puis ils se réfèrent pas du tout à aucun savant. Ils pensent qu'ils peuvent prendre directement du Coran et de la Sunna sans retourner aux hommes de science. Et ça c'est un extrême, c'est de l'égarement. Et à l'autre extrême, ceux qui disent non, on ne prend rien du Coran et de la Sunna, on prend que les paroles des ulama, même si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et ça c'est un autre extrême. Donc les gens de la vérité, eux, ils suivent le chemin qui est intermédiaire entre ces deux extrêmes-là. Et il cite à ce sujet-là les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre Kitab al-Ruh, de la page 395 à la page 396. C'est une belle citation de l'imam Ibn al-Qayyim ici, qui résume donc l'attitude qu'on doit adopter face à ces deux extrêmes-là et comment on doit prendre le fait de suivre le Coran et la Sunna tout en respectant en même temps les paroles des ulama. Donc le cheikh il dit quiconque place les paroles des hommes de science et les met en relation avec les textes et pèse ces paroles des ulama dans la balance de ces textes, وخالف منها ما خالف النص, et il contredit la parole des savants qui est en contradiction avec les textes sans toutefois complètement rejeter leur parole, c'est-à-dire sans toutefois complètement rejeter la parole des savants et les mettre complètement de côté, mais au contraire il prend les paroles de ces savants là comme des modèles et comme des exemples, parce que ils nous ont tous ordonné d'agir ainsi et de faire cela, c'est-à-dire de prendre la vérité lorsque leur parole contient de la vérité et de les suivre dans la vérité seulement. Donc celui qui prend cet exemple-là, c'est lui qui les suit vraiment et qui respecte réellement, hein, ce qu'ils ont donné comme conseil et comme consigne, hein, non pas celui qui les contredit. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que le cheikh il veut dire ? Ceux qui ordonnent d'obéir aux savants et de suivre les savants, même lorsqu'ils sont en contradiction avec les textes, et qui disent on doit suivre les paroles des savants dans le mazhab de façon aveugle, sans retourner aux preuves. Celui qui dit ça, il contredit la parole même de ces savants, c'est-à-dire de la parole de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Shafi, de l'imam Ahmad, parce que eux-mêmes ils ont dit à leurs élèves, toute personne peut avoir raison comme il peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est l'imam Malik qui a dit ça. Et l'imam Shafi'i a dit, et les autres imams aussi, il a sahha al hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, alors ça c'est mon madhhab. Et tous les imams al-sunnah ont dit des paroles de ce genre, des paroles semblables. Et on retrouve ces paroles-là dans les différents livres de fiqh et dans les différents livres de usul où ils sont cités. Et le cheikh Al-Albani, rahimahullah, il les a réunis dans l'introduction de son livre Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui respecte les paroles de ces savants-là et de ces imams et qui, hein, parce qu'il y en a qui prétendent vouloir respecter les quatre imams et de suivre les madhahib, alors qu'ils contredisent les paroles de ces imams-là dans le fait de ne pas les suivre aveuglément. Donc ici, le cheikh est celui qui les suit vraiment, c'est ceux qui respectent leurs conseils. Donc il dit, il faut donc les contredire, c'est-à-dire opposer les paroles de ces imams lorsque ce qu'ils disent vient en contradiction avec le texte du Coran ou de la Sunna. Et de faire ça, c'est beaucoup plus facile que de contredire la règle fondamentale à laquelle ces imams-là ont appelé et qu'ils ont ordonné les gens de la respecter, c'est-à-dire de mettre les textes du Coran et de la Sunna au-dessus de leurs paroles. Et c'est ici qu'on voit la grande différence entre le fait de suivre un savant aveuglément dans tout ce qu'il dit et entre le fait de profiter et de s'aider de sa compréhension et de s'illuminer par la lumière de sa science. C'est ça la différence. C'est-à-dire, soit que tu le suis aveuglément dans tout ce qu'il dit, ça c'est l'égarement, ou bien tu t'aides de sa science, tu t'aides de sa compréhension, tu t'aides de la lumière de sa science pour comprendre la vérité, pour comprendre les textes, puis par la suite tu prends la position qui est le plus proche de la vérité. Donc le premier, celui qui suit aveuglément tout ce que dit une personne, et prend une parole sans l'analyser, sans réfléchir, et il ne cherche pas la preuve de cet imam dans ce qu'il a dit. Il ne cherche pas la preuve du Coran et de la Sunna au sujet de cette parole. Il dit, c'est comme s'il prenait une corde, puis qu'il se l'accroche dans le cou. Et c'est de là que vient le terme taqlid. Taqlid, c'est-à-dire quelque chose qui est accroché. Yuqallidu bihi. Donc, c'est comme s'il prenait une corde, puis il se l'accroche dans le cou. Donc, c'est le taqlid. Donc, il contredit l'attitude à adopter, l'attitude correcte. Et il dit, contrairement à celui qui utilise les paroles de cet imam et sa compréhension, et qui s'éclaire de la lumière de sa science pour arriver au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُمْ بِمَنْزِلَةِ الدَّلِيلِ إِلَى الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ. C'est-à-dire, il prend les paroles des savants comme un guide vers le premier guide, ou vers la première preuve. C'est comme s'il prend les paroles de ces savants-là comme un guide qui va les amener vers la preuve. Et lorsqu'il arrive à la preuve, alors il n'a plus besoin des autres. Il n'a plus besoin des savants une fois qu'il a atteint la preuve, parce qu'il a atteint la référence et la source. Il dit, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui veut trouver la Qibla, puis qui se base sur une étoile dans le ciel. Parce qu'il ne voit pas la Qibla, donc il passe par les étoiles pour trouver la direction pour prier. Mais une fois qu'il arrive et qu'il voit la Kaaba devant lui, ou la direction directement devant ses yeux, est-ce qu'il a besoin de l'étoile encore? Non, il n'a plus besoin de l'étoile. Donc, l'étoile n'a plus aucune signification par la suite parce qu'il l'a trouvée. Et donc, l'étoile, dans cet exemple-là, c'est l'imam, ou la parole de l'imam, et la Qibla, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il veut faire une analogie entre les deux, pour te dire que la parole de la, tu dois utiliser la compréhension des imams pour t'aider à arriver au dalil et à la preuve. Mais une fois que tu as la preuve, tu n'as plus besoin maintenant de suivre aveuglément la parole d'un imam. Et donc c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et il cite ici une parole de l'imam Shafi'i qui est très importante à ce sujet-là et qui dit, l'imam Shafi'i a dit, les gens sont tous d'accord, sont unanimes sur le fait que lorsqu'une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il n'a pas le droit de la laisser pour la parole de quiconque. Une fois qu'une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il ne lui est pas permis de la laisser pour quiconque ou pour la parole de quiconque. Ensuite, le cheikh il dit, ومن أشهر ما ألفه الشيخ في الفقه كتاب آداب المشي إلى الصلاة الذي يشتمل على فقه الصلاة والزكاة والصيام وقد اشتهر بهذا الاسم الذي هو اسم أول باب فيه وهو من تسمية الشيء ببعضه ولم يورد قبله ما يتعلق بأحكام الطهارة اكتفاء برسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. Donc le cheikh il dit, parmi les livres les plus célèbres que le cheikh a écrit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit dans le fiqh, c'est le livre qui s'intitule Adab ou Mashi ila Salah, c'est-à-dire le livre qui explique les manières pour marcher vers la salat, les manières à adopter lorsqu'on marche vers la prière, qui comprend donc le fiqh, c'est-à-dire comment appliquer ou faire la salat, la zakat et le jeûne. Et le livre, il est connu sous ce nom-là, les manières de marcher vers la prière, parce que c'est le premier chapitre dans ce livre. Et on a appelé donc ce livre-là par un de ses chapitres. Et il n'a pas mentionné dans ce livre les règles de la purification, parce qu'il s'est limité à parler de ce sujet-là dans un autre livre qu'il a écrit qui s'appelle « Les conditions de la salat, ses piliers et ses obligations ». الشيخ الزي وقال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في أول تعليقه على كتاب آداب المشي إلى الصلاة لم يذكر المصنف رحمه الله كتاب أحكام الوضوء وشروط الصلاة قبل باب آداب المشي إلى الصلاة اكتفاء برسالة شروط الصلاة المتضمنة لذلك كله وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب فكأنها جزء منه. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Aziz ibn Mani' rahimahullah, lorsqu'il a commencé son commentaire du livre Les manières de Adab al-Mashi ila Salah, les manières pour de marcher vers la prière, il a dit l'auteur du livre n'a pas mentionné il n'a pas mentionné dans ce livre les règles du wudu et les conditions de la salat avant le chapitre des manières de marcher vers la salat, parce qu'il s'est limité à l'autre livre qu'il a écrit au sujet des conditions de la salat qui comprennent toutes ces choses-là. Et donc l'habitude des gens, c'est que avant de lire le livre Adab al-Mashi et la salat, il commence par le livre Les conditions de la salat, parce que c'est considéré comme étant une partie de ce livre. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Puis on expliquera la suite. Il reste juste une petite partie à expliquer, donc on l'expliquera au prochain cours, inshallah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته